obligé d'écraser les miens pour grimper. Pousse le son dans ta pure voix. J'balance le message sur un gros son de Youvoix. C'est vrai que le tas veut nous bloquer. Rap ça au renoi, tout est fait pour nous mettre de côté. Le jeu n'est pas risqué, il est truqué. Y'a deux doigts de nos rêves, on trouve un cauchemar embusqué. Ta chance, tu veux la brusquer. La France nous a terrorisés parce que notre avenir est plastiqué. Tu veux braquer pour répliquer, mais ta révolution se fait déférer au parquet. Peu des mondes s'en sortent. Ça ne veut pas dire que peu des mondes sont forts. Mais le truc c'est, dès qu'il y en a un qui fait un truc, on est les premiers à s'élever pour lui briser la nuque. Si on passait mon temps à s'envier, à jalouser nos propres frères pour des trucs cendrés. Mon temps à provoquer leur chute, à les pousser dans le vide en piégeant leur parachute. T'as pris des thunes, tant mieux, sans cracher sur la banlieue. Je serai avec toi, moi, contre eux. Blaire sur la jalousie, blaire sur l'envie. Moi je dis qu'il faut supporter les frères tant qu'ils sont en vie. Les frères dorment, se réveillent que pour critiquer. Dès que tu sors la tête de l'eau, ils veulent te noyer. Te broyer, peut-être même te nettoyer. Tu leur dois rien, mais les frères veulent te faire payer. T'as beau venir de loin comme eux, vu que tu t'en sors, ils estiment que t'es plus comme eux. Ils veulent avoir ce que tu possèdes, espère tes obsèques. Bellec mec, l'envie les obsède. Même dans le mal, ça se concurrence. Tu bicraves plus au détail, alors un frère te balance. Combien de frères ont perdu leur liberté sur un coup de fil anonyme pour le plaisir de voir tomber, t'imagines? Comment veux-tu qu'on soit soudés? Que je t'aide si tu ne penses qu'à me dessouder, hey. Comment veux-tu que l'État nous respecte si entre nous on se comporte comme des traîtres? Si on passait mon temps à s'envier, à jalouser nos propres frères pour des trucs cendrés. Mon temps à provoquer leur chute, à les pousser dans le vide en piégeant leur parachute. T'as pris des thunes, tant mieux, sans cracher sur la banlieue. Je serai avec toi, moi, contre eux. Blaire sur la jalousie, blaire sur l'envie. Moi je dis qu'il faut supporter les frères tant qu'ils sont en vie. Quoi cette haine dans ton regard? Moi c'est un frère que je vois quand je te regarde. Pourquoi tu serais mon ennemi? Parce que j'ai grandi à Orly et toi à Saint-Denis. Parce que t'as pris beaucoup plus de thunes que moi, alors que t'as fait face aux mêmes obstacles que moi. C'est débile, même pauvre faut rester lucide. Tu peux souhaiter t'en sortir sans être cupide. Et si ta réussite passe par la chute des autres, et que ta jalousie te pousse à buter les nôtres. La honte négro, t'as du retard, je te le dis d'avance. Pendant qu'on se mange entre nous, les autres avancent. Get ready. Qui peut nous stopper si on s'unifie? T'imagines les mecs des grands ensemble, marcher main dans la main, ensemble. Si on passait mon temps à s'envier, à jalouser nos propres frères pour des trucs cendrés. Mon temps à provoquer leur chute, à les pousser dans le vide en piégeant leur parachute. T'as pris des thunes, tant mieux, sans cracher sur la banlieue. Je serai avec toi, moi, contre eux. Blaire sur la jalousie, blaire sur l'envie. Moi je dis qu'il faut supporter les frères tant qu'ils sont en vie. Si on passait mon temps à s'envier, à jalouser nos propres frères pour des trucs cendrés. Mon temps à provoquer leur chute, à les pousser dans le vide en piégeant leur parachute. T'as pris des thunes, tant mieux, sans cracher sur la banlieue. Je serai avec toi, moi, contre eux. Blaire sur la jalousie, blaire sur l'envie. Moi je dis qu'il faut supporter les frères tant qu'ils sont en vie.